الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سي نوتخ بخوميير أسيز إن شاء الله دون شرح القواعد الأربع، سي نوتخ بخوميير أسيز دون انتربريتاسيون دي كاتر غيغل دو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الانتربريتاسيون ici est celle de Salih ibn Abd al-Aziz al-Sheikh حفظه الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دي أن كومونسون سيت رسالة أن أوند الله الكليمون ميزيركورديو تخي ميزيركورديو جو دوموند أ الله السوفران دو ترون جيون كي سوا تون أليي دون سو با موند إي دون لو دولا، qu'il fasse là où que tu sois béni, qu'il fasse que tu sois parmi ceux que s'ils sont comblés d'un bienfait, ils sont reconnaissants, quand ils sont éprouvés, ils patientent, et quand ils tombent dans un péché, ils demandent pardon. Et cela, et ceci, c'est les trois titres du bonheur. Et qu'au le chère, havidallah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه النبذة المختصرة، القواعد الأربع من النبذ المهمة من مقال إمام الدعوة، إمام هذه الدعوة رحمه الله تعالى، وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربعة، وأن الإخلال بهذه القواعد الأربعة أو عدم ضبط تلك القواعد يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. إيه الشيخ صالح الشيخ دون انتربريتاسيون أبخي للونج الله سبحانه وتعالى الكومونس دي سو ريزيمي كي سون القواعد لي كاتخو غاكل سي parmi les écrits et parmi les paroles très importantes de l'imam Da'wa Cheikh Mohamed Ibn Abdelhab rahimahullah ta'ala, il dit que l'importance de ces règles vient par le fait de connaître le contraire de ces règles, et que le fait d'avoir des lacunes dans ces quatre règles ou de ne pas bien les maîtriser, ceci va ramener un déguisement de situation pour la personne dont le fait de connaître la situation réelle des associateurs et la situation des monothéistes. ويقول والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وبحال أهل الشرك، والله جل وعلا في القرآن بين ما يجب من حقه في توحيده وبين الشرك به بيانا عظيما. وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب كما سيأتي. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, et l'épreuve est faite par la situation du monothéiste et par la situation des gens de l'associationnisme. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairé en ce qui concerne son droit, qui est le fait de lui réserver le culte exclusivement. Il nous a éclairé aussi sur l'associationnisme d'un éclaircissement très clair. Et il dit que ces quatre règles, leur origine, ce sont le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salam et la connaissance de la situation des Arabes comme il va venir. يقول فهذه قواعد عظيمة تعصم من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك وعلى وجوب إخلاص الدين لله جل وعلا وكيف يكون ذلك. يقول ça ce sont des règles qui sont énormes, qui vont protéger la personne qui les mémorise et qui comprend leur signification. Il n'aura aucun doute, aucune hésitation en ce qui concerne la sentence qui concerne les gens de l'associationnisme. Et il n'aura aucun doute sur le fait qu'il est obligatoire d'accomplir la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et comment ceci doit se faire. Imam al-Da'wa, rahimahullah, ka'adatihi fi kathirin min rasailihi yabtadi'uha bidu'a'in liman yaqra' tilka al-risala aw liman wujjiat ilayhi. وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم ومبنى الدعوة الرحمة. الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل. الإمام de la da'wa, c'est-à-dire l'imam Mohamed Abdel Wahab, رحمة الله عليه, et c'est le titre qu'on lui donne, imam da'wa, à son accoutumé, comme dans tout ce qu'il écrit, il commence par faire dua à celui qui va lire la lettre ou à celui qui est à qui est adressée cette lettre. Et dans ceci, il y a le fait d'attirer notre attention que cette science ainsi que la da'wa sont leur base, c'est la clémence. La clémence entre l'enseignant et ses élèves, la clémence entre le prêcheur et ceux qui prêchent, car la clémence c'est la cause de l'entretien de la relation. قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم يعني فبرحمة من الله لنت لهم فبرحمة من الله لنت لهم. Et il cite le verset, c'est avec la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu es doux avec eux. وما في هذه الآية صلة لتأكيد الجملة وهي التي تسمى الزائدة بزيادة التأكيد فبما رحمة من الله لنت لهم يعني فبرحمة من الله لنت لهم فبرحمة من الله لنت لهم فالدعاء ناتج عن الرحمة. يقول هكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون راحما للخلق أن يكون رحيما بهم كما وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Il dit c'est comme ça qu'il est devoir de l'enseignant, du prêcheur et de celui qui ordonne le bien et qui blâme le mal. Il doit être clément pour les créatures. Il doit être clément pour eux comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète alayhi salatu wassalam. Nous t'avons envoyé comme clémence au monde. Et dans notre verset, et il est doux et clément pour les croyants. وقال ابن القيم رحمه الله في وصف حال الداعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق قال في ذلك واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثله فالقلب بين أصبع أصابع الرحمن. حتى حين توقع الحدود وتطبق فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه إبليس والشيطان فجعله مستحقا لذلك كالأسير من أحبابك إذا وقع أسيرا في أيدي العدو. Et même quand les sentences sont accomplies, ces sentences s'accomplissent d'un côté, du côté de la clémence, et non pas du côté de la vengeance. Clémence pour celui qui a mérité le châtiment, Le shaitan s'est accaparé de lui et il a fait qu'il mérite la sentence. Comme l'un de tes proches ou de ceux que tu aimes qui tombe prisonnier entre les mains des ennemis. Dans ce cas-là, tu souffres pour lui et tu as de la clémence pour lui. يقول فهذا التقديم بالدعاء من الإمام رحمه الله فيه التنبيه على ذلك ودعا وكان فيما دعا أنه سأل جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Il dit حفظه الله تعالى, et cette introduction avec ce دعاء de l'imam رحمه الله تعالى, il y a le fait d'attirer l'attention, hein, dedans il y a le fait qu'il attire notre attention. Et parmi les choses qu'il a fait son dua, c'est qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire, parmi les gens, de faire de nous des gens que s'ils sont comblés d'un bienfait, ils sont reconnaissants. Et quand ils sont éprouvés, ils patientent. Et quand ils tombent dans un péché, ils se repentent. Et ces trois choses, ce sont le titre du bonheur. إذا أعطي شكر لأن العطاء من الله جل وعلا نعمة والله جل وعلا يحب الشاكرين من عباده والشكر يكون بلسان الحال ويكون بالعمل أن اشكر لي ولوالديك بالمقال وبالعمل وقوله اعملوا آل داود شكرا هذا من جهة العمل وقوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون هذا من جهة القول والعمل. Quand il a dit, rahimahullah ta'ala, et s'il est comblé d'un bienfait, il est reconnaissance, car la donation vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un des bienfaits min Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala aime les reconnaissances, ceux qui reconnaissent le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs. Et la reconnaissance se fait soit par la langue, soit par les œuvres, comme il est dit dans le verset, et soit reconnaissant pour moi et pour tes parents. Ça concerne la parole et les œuvres. Et comme il est dit dans l'autre verset, où famille de Daoud accomplissait la reconnaissance, ça c'est du côté des œuvres. Et comme il est dit dans l'autre verset, et soyez reconnaissants vis-à-vis de moi et ne soyez pas ingrats. Ça c'est vis-à-vis des œuvres et en même temps de la parole. ولهذا اختلف أو افترق الشكر عن الحمد. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre la louange et la reconnaissance. فَالشُّكْرُ يَكُونُ عَنْ نِعْمَةٍ وَأَمَّا الْحَمْدُ فَقَدْ يَكُونُ لِنِعْمَةٍ أَوْ فِي مُقَابِلِ نِعْمَةٍ وَقَدْ لَا يَكُونُ يَكُونُ ثَنَاءً مُبْتَدَأً وَالشُّكْرُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَبِالْعَمَلِ وَأَمَّا الْحَمْدُ فَيَكُونُ بِاللِّسَانِ دُونَ الْعَمَلِ فِي فُرُوقٍ بَيْنَهُمَا مَعْرُوفَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Et la reconnaissance se fait pour un bienfait. Quant à la louange, ça peut être pour un bienfait ou en face d'un bienfait. Ou ça peut être tout simplement, hein, une louange comme ça, sans qu'il y ait de bienfait. Et la reconnaissance se fait avec la langue et avec les œuvres. Quant à la louange, il se fait tout simplement avec la langue et non pas avec, et pas avec les œuvres. Dans une différence qui est connue et définie par les hommes de science. يقول وهذا مما ينبغي تدبره وأن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله جل وعلا وشكر العطاء كما ذكرنا بالقول وبالعمل. Il dit ceci, il faut le méditer, il faut le comprendre, que le serviteur, quand il lui a été donné quelque chose, il doit remercier celui qui a donné, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être reconnaissant. Et la reconnaissance se fait avec la parole et avec les œuvres. Amma bil qawl bi an yansiba dhalika al-ata ila man a'tah wa an yutni 'alayhi bihi wa la yultafata fihi ila ghayrihi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha. Et la reconnaissance au niveau de la parole, c'est que il doit attribuer cette donation et ce bienfait à celui qui l'a prodigué, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas tourner vers quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite le verset, et tout bienfait dans lequel que vous avez, il vous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans notre verset, ils connaissent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne l'attribuent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne la reconnaissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min jihatin ukhra, jihatul amal, yakunu ash-shukr باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها فيما يحب من أنعم بها وأسداها. Et de l'autre côté, au niveau des œuvres, la reconnaissance au niveau des œuvres se fait en utilisant ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que aime celui qui les a prodigués, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, d'utiliser ces bienfaits dans les actes que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. وهذا مما يحبه الله جل وعلا بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا. Et ça, c'est ce que aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime plus, c'est que les adorations, c'est que il aime des adorations que le serviteur y soit reconnaissant. ولهذا قال وقليل من عبادي الشكور. Et c'est pour ça qu'il a dit que peu de mes serviteurs sont reconnaissants. وقال سبحانه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كان كثير الشكر لله جل وعلا. Et dans notre verset, la descendance que nous avons transportée avec Nuh, et Nuh était un serviteur reconnaissant. Ça veut dire, ô vos descendants, hein, de ceux que nous avons transportés avec Nuh, Nuh était un serviteur reconnaissant. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup, il reconnaissait tout Allah subhanahu wa ta'ala, il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala énormément. قال أهل التفسير كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليها وإذا شرب الشربة شكر الله عليها وإذا اكتسى شكر الله على ذلك. يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو بما يسره أو بما يسره وأن يعترف بأنها من الله جل وعلا. Et les gens de l'interprétation du Coran disent de Nuh عليه الصلاة والسلام que quand il mangeait, quand il a terminé de manger, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour le manger qu'il a mangé. Et quand il bu, et il a bu, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour la boisson qu'il a bu. Et quand il s'habillait, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il désavouait, qu'il se désavouait de tout ce qui est, il remettait tout à Allah subhanahu wa ta'ala, et que rien ne se fait par sa puissance à lui, tout se fait par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ce qu'il recevait comme bienfait et tout ce qu'il recevait comme chose qui le réjouissait, ben il les reconnaissait à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وباب الشكر له صلة بالتوحيد وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب كأنه نظر إلى حال الموحد وخاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح أن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة. La reconnaissance et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un rapport avec le monothéisme. Comme si l'imam Mohammed ibn Abdullah, rahimahullah ta'ala, quand il a parlé de la reconnaissance sur, concernant ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne, et quand il a parlé de la patience devant les épreuves, et quand il a parlé du fait de se repentir des péchés, il a regardé, comme s'il a regardé la situation du monothéiste. Il s'est adressé à ce monothéiste avec les choses qu'il doit accomplir tout le temps et constamment, car le monothéiste, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé avec ce grand bienfait qui n'a pas d'égal. Il a fait qu'il soit sur l'islam authentique et qu'il soit parmi les gens du monothéisme et de la religion pure. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux gens du monothéiste pur le bonheur dans ce bas monde et dans le delà. يقول وإذا ابتلي صبر ولا بد لموحد من ابتلاء فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه وقد يكون من جهة البدن وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. Il dit compte, il est éprouvé, il patiente, car le monothéisme, il est obligatoire qu'il soit éprouvé. Et donc, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est éprouvé, qu'il patiente. Et les épreuves se peuvent arriver du niveau de la parole qu'on adresse à ce monothéiste, ou du niveau de son corps, qu'on lui fasse subir du mal au niveau de son corps, ou alors au niveau de sa fortune ou autre. قال وإداد نبى استغفر لأن الموحد لا بد له لا بد أن يكون معه شيء من الإعراض ولا بد أن يقع الذنب إما من الصغائر وإما من الكبائر. Il a dit aussi quand il tombe dans le péché, il se repent, car le monothéiste n'est pas épargné de l'erreur. Il est obligatoire qu'à un moment donné, il tombe dans le péché, que ce soit un petit péché ou là un péché capital. يقول والله جل وعلا من أسمائه الغفور ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريئته وملكوته ولهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائما الاستغفار ولا بد للموحد من ذلك والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر والكبر يحبط كثيرا من العمل. لهذا قال هنا وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرْ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala fait partie du sinon le ghafour, et l'impact de ce nom doit apparaître dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ses créatures. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de son serviteur monothéiste à qu'il soit constamment dans le repentir, et il est obligatoire au monothéiste d'être ainsi. Et le serviteur, s'il délaisse l'estighfar, le fait de se repentir, il va être habité par l'orgueil. Et l'orgueil anéantit les œuvres. C'est pour ça qu'il a dit ici, quand il tombe dans le péché, il se repent, car ces trois-là, ce sont le titre du bonheur. فَإِذَنْ هَذِهِ مُتَلَازِمَةٌ فِي حَالِ كُلِّ الْمُوحِدِ وَهِيَ الشُّكْرُ عَلَى الْعَطَاءِ وَالصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ. Il dit donc ces trois choses doivent être tout le temps chez le monothéiste. Et ces trois choses sont être reconnaissant en face de la donation et du bienfait, être patient en face de l'épreuve, et se repentir quand on tombe dans un péché. Et chaque fois que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala a une grande, plus le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala a une grande connaissance de son souverain, plus ces trois choses sont grandes dans sa vie, ils auront de l'importance dans sa vie. Wa kullama 'azama at-tawhid fi al-qalb 'azamat hadhihi al-thalath hatta yasira al-'abd la yara siwa Allah jalla fi 'ala fi istihqaq shay'in min a'malihi wa tasarrufatihi. Et plus le monothéisme est grand dans le cœur d'un serviteur, plus ces trois choses vont être grandes chez cette personne, à tel point qu'il va voir en concernant ses œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que comme quoi il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite ses œuvres. فَإِنْ غَفَلَ فِي ذَلِكَ كَانَ اسْتِغْفَارُهُ لَيْسَ اسْتِغْفَارُ الَّذِي لَيْسَ اسْتِغْفَارُ الَّذِي لَا يَفْقَهُ فإن غفل في ذلك كان استغفاره ليس استغفار الذي لا يفقه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة وفي رواية في الصحيح أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة. Ici, il devient inattentif, donc son repentir va pas être l'istighfar, son istighfar va pas être l'istighfar de quelqu'un qui ne comprend pas. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'istighfar dans la nuit et le jour plus de 100 fois. Et dans une version, dans chaque assise, les compagnons lui comptaient l'istighfar plus de 70 fois dans cette assise. Dans chaque assise. Wa al-muwahhidu alayhi khatar, khatar al-ghurur. الغرور بأنه من أهل التوحيد أو من المحققين لأتباع السلف، أو ممن علم هذا العلم ثم لا يكون في قلبه من الخضوع والذل الذي يعلمه الله منه، ما يكون ذلك سببا لقبول هذه الوسيلة، وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل وعلا، وشأن الله أعظم، وطلب من عباده شيئا قليلا، ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جر إليه. Et le monothéiste, il a un énorme danger qui le guette. Le danger d'être imbu par lui-même. Le fait d'être imbu par lui-même, c'est-à-dire je fais partie des gens du monothéiste. Je fais partie de ceux qui accomplissent la voie des pieux prédécesseurs. Ou je fais partie de ceux qui ont cette science. Et dans ces cas-là, il ne va pas y avoir dans son cœur cette concentration et cette orientation vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ceci de lui. Hein? Et donc, ce monothéisme qui est un moyen pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, va être anéanti quelque part si la personne est imbue de lui-même. Et la situation d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme. Et les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé ses serviteurs sont énormes. Et il a demandé à ses serviteurs peu de choses. Hein? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'importance au monothéisme. Et il a blâmé d'un grand blâme l'associationnisme et tout ce qui traîne vers, qui attire vers l'associationnisme. Et qui est un moyen pour tomber dans l'associationnisme. يقول الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى دير ساش كالله سبحانه وتعالى تغيون vers son obéissance que la voie droite qui est la voix d'Ibrahim a.s., c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, et que tu accomplisses la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans le verset, « Je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. » يقول رحمه الله تعالى وغفر له فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Il dit, si tu sais ceci, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour, wa alaykum salam wa rahmatullah, t'a créé pour lui réserver le culte exclusivement. Et sache que l'adoration ne serait appelée adoration qu'avec le monothéisme, comme la prière ne serait appelée prière qu'avec la purification. Et si l'associationnisme rentre dans l'adoration, il l'annule, comme hein, le fait de ne pas avoir le dos, hein, le fait d'avoir une désannulation de le dos, donc tu ne peux pas avoir de prière, car la purification est une des conditions de le dos. Et aussi la même chose, cet exemple, l'imam il le donne pour comprendre, la même chose pour c'est l'adoration n'est pas n'a pas été accompli dans le monothéisme, mais il ne sera pas accepté non plus, il sera nul. يقول فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن ما أهم أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Il dit, si tu connais, si tu sais que l'associationnisme, quand il est mélangé avec l'adoration, il l'annule, il va anéantir l'œuvre, et celui qui est dans l'associationnisme sera éternellement au feu de l'enfer, tu sais dans ce cas-là que la chose la plus importante à laquelle tu dois donner l'importance, que tu dois connaître, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'épargne des filets de l'associationnisme, car il est dit dans le verset, C'est la chose la plus importante que tu dois connaître, c'est le monothéisme, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi de connaître l'associationnisme pour ne pas y tomber, car il dit dans le verset que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui fasse d'associer, et en dessous de ça, il pardonne à qui il veut. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. Et ceci se fera avec la connaissance de quatre règles que Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans son livre. يقول الشارح حفظه الله الشيخ صالح الشيخ حفظه الله اعلم أرشدك الله لطاعته. يقول هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد. وأول ذلك أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وجعل الله جل وعلا إبراهيم حنيفا، يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص. والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق، وابتعدت من كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. Cheikh Salah al-Sheikh, pour l'interprétation de ce passage, il dit sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'oriente vers son obéissance. Il dit ça, c'est l'introduction pour ces quatre règles. Il dit que là, et la première de ces introductions, c'est que la voie droite, l'hanifia, c'est la voie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim était hanif, il était dans la droiture. Il était loin de l'associationnisme. Et il était dans le monothéisme pur. Et le Hanifia, c'est la voie qui est loin de tout faux et qui est dans la vérité. Et le Hanifia, une voie qui est loin du faux, qui est proche et qui est la vérité elle-même, c'est la voie de Ibrahim, de notre père Ibrahim alayhi salam. Comme a dit Jalla wa Ala, ma kana Ibrahim yahoudien, wala nasranien, wala kin kana hanifan muslima. Comme il est dit dans le verset, certes Ibrahim n'était ni juif, ni chrétien, mais il était soumis à Allah, monothéiste soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكلا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Il est dit aussi concernant Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ibrahim était une communauté obéissante, constamment dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il était hanif, il était dans le monothéisme, il n'était pas associateur, il était reconnaissant des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé, il l'a guidé vers la voie droite. حقيقة ملة إبراهيم هي تحقيق معنى لا إله إلا الله. Et la réalité de la voie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est l'accomplissement de la ilaha illallah, ni din d'être adoré qu'Allah. Kama qala jalla wa ala fi sourate Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Wa hadhihi al-kalimatu hiya kalimatu la ilaha illallah. Kum Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans sourate Az-Zukhruf, quand Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est adressé à son père et à son peuple, il leur a dit, je vous dis à vous, est-ce que vous adorez? Sauf celui qui m'a créé, qui va me guider. Je vous dis à vous, est-ce que vous adorez? La ilaha, la négation. Et sauf celui qui m'a créé et qui va me guider, illallah, sauf Allah, l'affirmation de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait que cette parole, qui est la parole de l'unicité, reste dans sa descendance pour qu'ils y reviennent. Et cette parole, c'est la parole de l'unicité, ni din d'être adoré qu'Allah. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذه هي كلمة التوحيد إنني براء مما تعبدون هذا هو نصف النفي أو هذا هو النصف الذي هو النفي في كلمة التوحيد يعني قول لا إله إلا الله لا إله معناه إنني براء مما تعبدون إلا الله يعني إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه فأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الآية حيث قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Et Ibrahim a dit, quand Ibrahim a dit à son père et à son peuple, je vous dis à vous, est-ce que vous adorez sauf celui qui m'a créé? Ça, c'est la parole du monothéisme. Je vous dis à vous, est-ce que vous adorez? Ça, c'est la moitié de la parole de l'unicité qui est la négation. Ça, c'est la première, le premier pilier de la négation qui est de la, du monothéisme qui est la négation. Le fait de dire la ilaha, la négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Et sa signification, je vous dis à vous, est-ce que vous adorez? Sauf Allah, ça veut dire celui qui m'a créé qui va me guider. Sauf celui qui, je n'adore que celui qui m'a créé qui va me guider. Et il a fait que cette parole du monothéisme reste dans sa descendance. Donc la meilleure des interprétations de la parole du monothéisme, c'est ce verset. Je vous dis à vous, est-ce que vous adorez? يقول ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات. C'est pour ça que les hommes de science ont dit que la parole du monothéisme contient la négation et l'affirmation. والنفي فيها البراءة من كل معبود سوى الله جل وعلا ومن عبادة كل ما سوى الله جل وعلا لأن عبادة ما سوى الله جل وعلا باطلة وإثبات العبادة لله جل وعلا وحده سبحانه يعني إنزال العبودية الحقة المستحقة في واحد وهو الله جل وعلا. Il dit, et la négation, c'est le fait de désavouer tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de désavouer, de s'éloigner de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est nul. Et de confirmer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Cette adoration ne la mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on la lui confirme et on la lui réserve. هذه هي ملة إبراهيم وهذه هي الحنيفية وهي التي أمر الله جل وعلا نبيه بالاستمساك بها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم هي التوحيد. Ça c'est la voie d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام. Et c'est la voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète alayhi salatu salam. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète alayhi salatu salam de se cramponner à cette voie. Il est dit dans le verset, nous t'avons révélé de suivre la voie d'Ibrahim, la voie droite d'Ibrahim alayhi salatu salam. Donc la voie d'Ibrahim alayhi salatu salam, c'est le monothéisme. يقول وإذا عرفت هذا فإن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد وذلك من مثل الطهارة للصلاة فإن التوحيد شرط قبول العبادة يعني الإخلاص والطهارة شرط صحة الصلاة. Il dit que si tu sais ça maintenant, sache que l'adoration ne serait acceptée qu'avec le monothéisme. La même chose comme la purification pour la prière. Car le monothéisme est une des conditions pour l'acceptation de l'adoration. C'est-à-dire l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala est une des conditions pour que ses œuvres soient acceptées min Allah azza wa jal. Et la purification est une des conditions pour la validité de la prière. فكما لا أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا ولو كان في شبهته أثر السجود وكان صائما بالنهار قائما بالليل فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا خالصا. Et comme la prière ne serait acceptée qu'avec la purification, il en est de même pour l'adoration. L'adoration ne serait acceptée que de quelqu'un qui est monothéiste, même si il a un gros cercle sur le front noir avec qui la marque comme quoi il fait beaucoup de prosternations, etc. Même s'il jeûne la nuit et il accomplit les prières de, même s'il jeûne le jour et il accomplit les prières nocturnes, s'il n'est pas monothéiste, il ne sera pas accepté de lui. Car la condition pour que les œuvres soient acceptées, c'est que la personne doit être monothéiste. Il doit accomplir la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Il est dit dans le verset, il t'a été révélé, il y a ceux qui sont passés avant toi. Si tu as associé à Allah subhanahu wa ta'ala, tes œuvres vont être anéanties et tu seras parmi les perdants. C'est Allah qu'il faut que tu adores, que tu adores et que tu sois parmi les reconnaissants. À qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Le culte doit être réservé à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala jalla wa ala fil kuffar. Il a dit concernant les mécréants, mais nous sommes arrivés à toutes les œuvres qu'ils ont accomplies et nous les avons rendues poussière. Tu imagines toutes les œuvres qu'ils ont faites. Devant toi, tu vois, il y a des gens qui sont ébahis devant certains comme l'abbé. Certains abbés, Ola, Tatahom Thérèse, qui était avec les lépreux, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils disent que c'est là, il ira en enfer, etc. Mais subhanallah, s'il meurt dans l'associationnisme, tout ce qu'il aura fait pour les lépreux, tous ces labés qui font des bonnes œuvres, etc., etc., ils iront en enfer s'ils meurent dans l'associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala anéantit leurs œuvres parce qu'ils n'ont pas la condition, peu importe ce qu'ils ont accompli. Peu importe qu'ils ont traversé le monde, du nord vers le sud, du sud vers tout un chacun qui n'aura pas accompli le monothéisme, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas d'hésitation à se dire que celui-là, s'il meurt dans cette situation-là, ses actes sont non avenants, ses actes sont détruits. Ils ne valent rien du tout parce qu'il n'y a pas la condition que Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée pour que les actes soient acceptés. Et pour que les actes ramènent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول فعظيم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الإخلاص فإنها غير مقبولة كما أن الرجل يصلي صلاة عظيمة يطيل فيها القيام ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود ويحسنها جدا وقد دخل فيها على غير طهارة هذه صلاة غير مقبولة بالإجماع لأن الطهارة شركه شرط صحة الصلاة كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا صلاة إلا بطهور وهذا شرط متفق عليه. Et donc, face celui qui fait beaucoup d'adoration, si il a pas la sincérité dans ses adorations et son adoration n'est pas acceptée من الله عز وجل. Comme l'homme qui prie la prière, qui fait beaucoup de prières nocturnes. Et dans ses prières, il allonge à la genuflexion, rokoh. Il fait un long sujoud, des longues prosternations. Il embellit sa prière. Mais il est rentré dans cette prière sans odo, sans purification. Cette prière n'est pas acceptée. Le consensus sur le fait que cette prière est rejetée n'est pas acceptée. Car la purification est une des conditions de la validité de la prière, comme il est confirmé dans les authentiques. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière de quelqu'un parmi vous quand il a annulé son odo. Quand son odo est annulé, il n'accepte pas sa prière. Et que la prière ne serait acceptée sans purification. Et ça, c'est une des conditions sur laquelle il y a l'unanimité des hommes de science. يقول حفظه الله وهذا تقريب لهذه المسألة العظيمة وإلا فإن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة لأنه إذا صلى محدثا متعمدا فإن في تكفيره خلافا بين أهل العلم وأما إذا عبد الله مشركا فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة وبالإجماع هو كافر لأنه أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله معه عمل. Il dit حفظه الله تعالى. Ça, cette façon de faire du Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab, c'est qu'il te rapproche cette situation et ce sujet. Car la condition de la sincérité et du monothéisme pour l'acceptation des adorations est beaucoup plus importante que la condition de la purification pour l'acceptation de la prière. Car si la personne prie en n'ayant pas l'odo, en le faisant volontairement dans sa mécréance, Hein? Il y a une divergence entre les hommes de science. Mais s'il adore Allah, hein, en faisant, on associant Allah subhanahu wa ta'ala, le consensus est sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas son adoration. Et le consensus est sur le fait comme quoi il est mécréant directement. Hein? Car il a associé Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas d'œuvre avec le grand associationnisme. Il dit, إذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرء يخاف ويفرح يخاف من الشرك وأن يكون من أهله ويفرح أن جعله الله جل وعلا من أهل التوحيد. Il dit, si ceci est confirmé, ce fondement fera de l'être humain qu'il va avoir peur et qu'il va être réjoui. Il va avoir peur de l'associationnisme. Et il va avoir peur d'être parmi les associateurs. Et il va être réjoui que Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui qu'il est monothéiste et qu'il est des gens, et qu'il fait partie des gens du monothéisme. يقول فرحه بأن جعله الله سبحانه من أهل التوحيد يوجب شكر ذلك والمحافظة عليه وخوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك يجعله دائم الحذر أن يعتري عبادته أو عقيدته أو أقواله شيء من الشركيات. Donc sa réjouissance par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui qu'il est des gens du monothéiste, c'est que cela implique, il rend obligatoire qu'il doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit préserver cette situation de monothéisme. Et sa peur de l'associationnisme et le fait qu'il se sauve de sa situation de l'associationnisme et de ne pas être parmi les gens de l'associationnisme, c'est que ça va le pousser. Sa peur va le pousser à être vigilant tout le temps et à faire très attention que dans ses œuvres, il n'y a pas un acte qui va les altérer, ou dans ses croyances qu'il n'y a pas quelque chose qui va altérer cette croyance, qui va faire de lui un associateur. La même chose dans ses paroles, il doit faire très attention aux expressions dans lesquelles il y a de l'associationnisme, et ainsi de suite. يقول لأن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر فإنها محبطة للعمل وإذا كانت من الشرك الأصغر فإنها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة يعني من حيث الجنس وهذا لا شك يجعل المرأة الخائف الراجي يعني الخائف الفرح بالتوحيد الخائف من الشرك يجعله يطلب هذه القواعد التي تجعله في يقين من أمره. Il dit, et les actes d'associationnisme, s'ils font partie du grand associationnisme, celles-ci vont anéantir les œuvres complètement. Et s'ils font partie du petit associationnisme, c'est énorme, ils sont beaucoup plus importantes que les innovations et que les différents péchés. Il dit, Issa, il n'y a aucun doute, va faire de l'être humain qu'il doit avoir peur. Cet être humain qui a peur et qui a l'espoir en Allah, c'est-à-dire cet être humain qui a peur et qui réjouit, il est réjoui par le monothéisme, et il a peur de l'associationnisme, ceci va le pousser à apprendre ces quatre règles qui vont lui donner la situation dans la certitude dans sa situation. والتوحيد والشرك في دعوة الإمام المصلح رحمه الله لمن تأمله قد يكون معه شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الشيخ من جهة تقرير المسائل ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك. Et le monothéisme et l'associationnisme de la da'wa de l'imam réformateur Cheikh Mohamed Ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, celui qui la médite, il se peut qu'il ait à un moment donné des hésitations ou un doute sur la validité et l'authenticité de ce qu'a ramené Cheikh au niveau de la confirmation des sujets, au niveau des sentences applicables aux gens de l'associationnisme et à l'associationnisme. يقول لأن المسألة عظيمة أن يكون أحد ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتعبد ويكون من أهل العبادات العظيمة ومن أهل الصلاح كما يقول الناس ثم يقال إن عمله الذي عمله من الشركيات أو لما لم يكفر بالطاغوت يجعل عمله هذا كلا شيء. هذه عيرة عظيمة. وكيف تستقر في النفوس؟ Fais attention à ce passage. Et le sujet est énorme. Que quelqu'un qui dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il prie, il s'acquitte de la zakat, il jeûne, il fait le pèlerinage, et il adore Allah subhanahu wa ta'ala par des grandes adorations. Et dans l'apparence, il fait partie des gens du bien, comme disent les gens. Et après, il est dit que ses œuvres ne sont pas acceptées parce qu'il a accompli de l'associationnisme. Ou alors il n'a pas mis cru en tarot, tout ceci va faire que ses œuvres ne sont rien. Hein? Et ceci est très énorme. Comment on l'a instauré dans notre esprit et dans notre cœur? Hein? Parce que c'est énorme. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi il prie, il jeûne, il a fait tant de umrat et c'est un associateur. Oui, si. Il a, avec tout ça, il associe Allah subhanahu wa ta'ala, il adore les tombes. Hein? Et il ne me croit pas en tarot, en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il peut être monothéiste? Et donc le doute des personnes dont parle cher ici leur vient de ce côté-là. يقول فربما حدث من جهة النظر في الناس الذين يتعبدون العبادات العظيمة وهم واقعون في الشرك ربما تعاظم بعض الناس أن يكونوا من المشركين يعني أن يكونوا أولئك من المشركين. Du fait des regards des gens qui adorent, qui font des énormes adorations et beaucoup d'œuvres, et qu'en même temps ils sont dans l'associationnisme, certains vont trouver énorme le fait de dire qu'ils sont des associateurs. Comment ils peuvent être des associateurs alors qu'ils accomplissent ces énormes œuvres? يقول وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة وهي أن الأمر ينظر فيه إلى حق الله. Il dit ces règles, c'est pour avoir les fondements à ce sujet-là, cet énorme sujet. Car la situation, il ne faut pas regarder les personnes et le droit des personnes, il faut regarder le droit d'Allah. Hein? Il faut regarder le droit d'Allah. وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق إلى واقع المخلوق. ولكن لو نظروا إلى حق الله جل وعلا الذي خلق الإنسان فسواه وعدله والذي خلق السماوات على هذا النحو العجيب وهذه الأرض وأقام الدلائل على وحدانيته في ربوبيته وجعل ذلك في النفس وفي الآفاق وفيما حوله يجعل أنه لا حجة لمشرك على الله جل وعلا ولكن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل رحمة لإقامة الحجة ولإعلان النذير. Et les lacunes chez les gens viennent de ce côté-là. C'est qu'ils regardent le droit de la créature. Hein? Ils regardent la situation et le droit de la créature. Ils ne regardent pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé l'être humain et qui a façonné cet humain, qui a donné cette image à l'être humain. Allah qui a créé les cieux et la terre dans cette création qui n'a pas d'égal. Ah, et qui a accompli les preuves sur son unicité, comme quoi il est unique dans la création, et qu'il est le seul qui a créé. Et ces preuves de l'unicité sont dans l'être humain lui-même, dans l'horizon, dans tout ce qu'il a créé, dans tout ce qui entoure l'être humain, prouve l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il a... Il n'y a aucune preuve pour un associateur de lui faire un associé. Et en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers comme clémence pour accomplir la preuve et pour déclarer l'avertissement contre l'associationnisme. يقول القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. Et la première règle, c'est que tu saches que les mécréants qui combattent le messager عليه الصلاة والسلام confirmé à Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi il est le seul créateur, le seul qui donne la subsistance, le seul qui gère ce monde, Mais tout ceci ne les a pas fait rentrer dans l'islam. La preuve, il est dit dans le verset, « Dis-leur, ya Muhammad, qui vous donne la subsistance du ciel et de la terre, qui possède lui et la vue, qui sort le vivant du mort, et qui sort le vivant du mort, le vivant du mort, et qui sort le mort du vivant, qui gère les situations. » Ils vont dire, c'est Allah. Et leur, pourquoi vous préservez? Pourquoi vous ne l'adorez pas alors? Pourquoi vous ne préservez pas les droits d'Allah? يقول الشيخ صالح الشيخ القاعدة الأولى أن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام. توحيد الربوبية ليس هو المطلوب. Et الشيخ صالح الشيخ de nous dire, la première règle, le monothéisme de la souveraineté ou de la seigneurie, ce qu'on appelle hein, le monothéisme, توحيد الربوبية, hein, qui concerne comme Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul qui donne la subsistance et ainsi de suite, ce monothéisme ne rentre personne dans l'islam. Il rentrera personne dans l'islam. Ni dans le passé, ni dans le futur. Hein? Parce que c'est pas ça qui est demandé. فإن معرفة العرب بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وحده وهو المحيي وحده وهو المميت وحده وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي إليه الأمر وهو الذي ينزل المطر وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات هذا كله يقرون بأن الله سخر ذلك وخلقه وخلق هذا كله يقرون بأن الذي سخر ذلك وخلقه هو الله جل وعلا ومع ذلك ما نفعهم ولم يجعلهم الله جل وعلا بذلك من أهل الإسلام. Il dit le fait que les Arabes hein, connaissaient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, qui donne la subsistance, c'est le seul qui donne la vie, qui donne la mort, et que c'est lui qui protège, hein, et que toutes les situations appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait descendre le pluie, c'est lui qui fait pousser, hein, ce qui pousse sur terre, tout ça, les Arabes le confirment à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Et malgré tout ça, ceci ne leur a servi à rien. Il n'a pas fait d'eux des musulmans ni des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas fait d'eux des monothéistes. Abadan. قال جل وعلا وما يؤمن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Il est dit de verser, hein, beaucoup de leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala sont associateurs. C'est-à-dire, ils croient en la seigneurie, mais ils sont associateurs dans les actes d'adoration. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ يَعْنِ الْإِيمَانِ بِرُبُوبِيَتِهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ فِي عِبَادَتِهِ. Donc, ils croient, beaucoup croient, mais ils croient, ils ont la croyance dans la seigneurie. Et ils sont associateurs au niveau de l'adoration. تنظر إلى حال كفار العرب مقرون بأفراد الربوبية بأكثر أفراد الربوبية. Il dit, regarde la situation des Arabes. Ils confirment tout ce qui concerne la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de choses, ils le confirment à Allah subhanahu wa ta'ala au niveau des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent que c'est lui le seul qui les fait. Comme il est dit dans le verset qu'a cité Cheikh ici, dit, qui vous donne, dis-leur à Mohammed, qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre, qui possède lui la vue, qui fait sortir le vivant du mort, qui fait sortir le mort du vivant, qui gère les situations, ils vont dire c'est Allah. Hein? Ils vont dire c'est Allah qui fait tout ça. C'est Allah qui fait tout ça tout seul. Faqul, afala tattaqoun. يعني أتقولون ذلك وتقرون بوحدانيته في الربوبية فلا تتقونه في عبادته وحده وترك الإشراك به فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما أنكروا. Et dis-leur, hein, pourquoi vous ne préservez pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Vous confirmez le monothéisme de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, et tout ceci, et vous ne préservez pas ses droits en lui réservant le culte exclusivement, en délaissant l'associationnisme, Nous n'adorons Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accompli la preuve contre eux avec les choses qu'ils approuvent, qu'ils approuvent. Ils approuvent les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, qui donne la mort et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce qu'ils ont approuvé et avec ce qu'ils confirment, il a accompli la preuve contre eux pour les choses qu'ils ont rejetées, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين فإن من براهين التوحيد توحيد العبادة أن تقام الحجة بتوحيد الربوبية لأن من كان هو الفاعل وحده هو الخالق وحده والرازق وحده إلى آخر أفراد الربوبية فإنه هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه Et ça, c'est la voie du noble Coran dans l'accomplissement de la preuve contre les associateurs. Fait partie des preuves claires du monothéisme, et des grandes preuves claires du monothéisme, c'est que le culte doit être réservé. Tawhid l'ibada hada, c'est que l'accomplissement de la preuve pour ce monothéisme, l'accomplissement de la preuve s'accomplit avec le monothéisme de la souveraineté. Car celui qui est le seul à donner la vie, à créer, à donner la subsistance, jusqu'à tous les actes que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui agit ainsi et qui a ce pouvoir ainsi et cette majesté et qui ne peut faire et qui est le seul à pouvoir faire ces choses, c'est lui qui mérite l'adoration. Personne d'autre ne mérite l'adoration que lui. Et tout ceci dans le Coran et nombreux, Allah subhanahu wa ta'ala accompli la preuve contre les associateurs avec ce qu'il confirme au niveau de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa seigneurie. ولهذا قال سبحانه وتعالى منكرا عن المشركين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala blâme les associateurs et leur dit ils prennent comme associé quelque chose qui ne crée rien du tout et eux-mêmes sont créés ils prennent comme associé et comme adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui ne crée rien du tout. Elle-même, elle est créée. وقال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون Et il est dit aussi dans notre verset, dis à Muhammad, louange à Allah, paix sur ses serviteurs qu'il a élu. Est-ce que c'est Allah qui est mieux ou leurs associés, ou ce qu'ils lui font comme associés? Est-ce que c'est Allah qui est mieux à lui réserver le culte ou les associés? يقول ووصف الذين جعلهم المشركون آلهة بأنهم عاجزون وليس لهم قدرة وليس لهم خلق وليس لهم صفات تجعل أولئك يتوجهون إليهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب إلى ذكر ce qu'ils ont pris comme associé à Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi ils sont incapables, ils n'ont aucune puissance, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils n'ont ni la création, ils n'ont aucun attribut qui permet à ceux-là de leur vouer le culte. Et il dit dans le verset, si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. هذا مثل الذين توجهوا إليهم بالعبادة وإقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. Et ça, dans ce verset, c'est l'exemple de ceux à qui ils se sont adressés avec leur adoration. Ils ne peuvent rien, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Et le fait que les associateurs confirment la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne le fait pas rentrer dans l'islam. يقول الشيخ نستنتج من ذلك أن إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني أنهم مؤمنون فإذا أتى آت وقال أنا مؤمن بالله هو الرب وهو الخالق وهو ربي وهو الذي يرزقني وهو الذي أحياني وهو الذي يميتني. هذا لا يعد مؤمنا الإيمان الشرعي، يعني لا يعد مسلما حتى يأتي بالتوحيد. Il dit, on retient quoi de tout ceci? Il a dit que ceux qui sont venus après les Arabes, qui confirment la souveraineté, ça veut dire ils croient, ils viennent te voir, ils te disent, moi je crois en Allah, et je crois qu'Allah c'est le souverain, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui crée. Il est mon souverain, celui qui me donne la subsistance, qui me fait vivre, qui me fait mourir. Cela n'est pas considéré au niveau de la législation comme croyant. Tant qu'il ne se soumet pas à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il ramène le monothéisme, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant qu'il ne réserve pas le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il dise ce qu'il veut, il ne sera pas accepté de lui. Il ne sera pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne le fera pas rentrer dans l'islam. Ce qui le fera rentrer dans l'islam, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est la signification de la ilaha illallah. يقول لهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع. قالوا الإله هو القادر على الاختراع. فعندهم معنى لا إله إلا الله راجع إلى الربوبية. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'erreur, les hommes de science de la parole. Ici, la science de la parole, c'est ce qui met la raison pour parler des choses de l'invisible. Hada, on les appelle les mutakallimoun. Ces mutakallimoun, quand ils ont défini, quand ils ont donné la définition à l'ilah, comme quoi c'est lui qui est capable de créer. Ils ont dit l'ilah, c'est lui qui est capable de créer. Donc pour eux, la signification de la ilah illallah, ça revient tout simplement à la rububiya, à la seigneurie tout simplement. وهذا أعظم غلط على دين الإسلام الذي غلط به المتكلمون على الدين وعلى الملة حيث جعلوا الابتلاء واقعا في الربوبية فإذا أيقن بأن الموجد للأشياء والخالق لها هو الله فإنه يكون عندهم مؤمنا مسلما وهذا غير معنى الألوهية لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية. Il dit, ça, cette définition donnée par le mutakallimoun, il est une des plus grandes erreurs dans la religion de l'islam. Le mutakallimoun, haoula, ils ont émis une énorme religion, une énorme erreur dans la religion de l'islam et dans la voie droite. Ils ont fait que les preuves sont faites à partir de la seigneurie. Et ceci n'est pas vrai. Et pour eux, quand quelqu'un est à la certitude que celui qui fait exister les choses, qui crée, c'est Allah, pour eux, c'est un croyant soumis. Et ça, ce n'est pas la signification d'il-uluhiyya. Ce n'est pas, car la ilaha illallah, sa signification n'est digne d'être adoré qu'Allah. C'est le seul auquel le culte doit être réservé. Donc la signification d'il-uluhiyya revient à l'adoration et non pas à la seigneurie. Abadan. إذن مراد الشيخ من هذه القاعدة المهمة اليقينية لأن هذه القاعدة اليقينية من حال الكفار وحال المشركين في أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام ولم يجعل لهم حقا لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا آلهة أخرى وعبدوا آلهتهم الباطلة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. Il dit ce qu'a voulu Cheikh Mohamed Abdel Wahhab avec cette règle très importante, cette règle de certitude, que cette règle sûre montre la situation des mécréants et des associateurs, comme quoi ils confirment Rububia et ceci ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Il leur a donné aucun droit car ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités. Ils ont adoré leur divinité, leur fausse divinité. Et ils ont dit, est-ce qu'il a fait que les divinités soient une seule et unique ? يقول فإذا نظرنا في هذا الزمان وفي زمن الشيخ وما قبله وما بعده فإن هناك من يوقن بالربوبية ولكن يشرك في العبادة فإن ذلك لا ينفعه كحال الأولين لأن القاعدة أن مشرك العرب كانوا يوقنون بالربوبية. Il dit حفظه الله تعالى, si nous voyons maintenant la situation de notre époque et la situation de l'époque où Sheikh a vécu, et avant l'époque du Cheikh et après l'époque du Cheikh, on trouve que beaucoup de gens ont la certitude sur le Rububiya, mais ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, hein? Et ceci ne sera d'aucune utilité pour eux comme les premiers, hein? Car la règle ici, dans cette règle-là, Cheikh nous montre que les associateurs des Arabes avaient la certitude sur le Rububiya. Mais ça ne leur sert à rien, puisque ils ne réservent pas le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول واليوم قد يأتي على بعض النفوس ضعف إذا سمع من يقول إن شاء الله أو سمع من يذكر الله جل وعلا أو يقول عن الله هو ربه وهو مولاه ونحو ذلك ظنه مسلما وقنع بذلك منه وهذا لم يقع الابتلاء به أصلا بل لا بد أن يكون موحدا في عبادته يعني يعبد الله بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ويكون متبرئا خالصا من الشرك وأهله. Il dit aujourd'hui, certains peuvent avoir une certaine faiblesse en eux. Ils entendent quelqu'un dire Inch'Allah, ou ils entendent quelqu'un invoquer Allah, ou quelqu'un dire qu'Allah c'est son souverain, etc. ou d'autres. Il croit qu'il est musulman. Ça lui suffit d'entendre, de lui dire ça. Il décrète que cette personne est musulmane. Et ça, il n'y a pas eu de preuve là-dessus. C'est-à-dire que les gens n'ont pas été éprouvés par la seigneurie et par le Rububiya. Il est obligatoire que cette personne soit un monothéiste dans son oration. Il faut qu'il adore exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'a transmis le messager alayhi salatu wasalam, et qu'il soit quelqu'un qui est désavoué l'associationnisme et qui réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui désavoue l'associationnisme et les associateurs en même temps. Et nous arrêtons là, inshallah, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.